3-1. Allez, maintenant c'est au tour de la France de voter. Bonjour Paris, bonjour Francine. Merci Gérard. Alors, Allemagne, 8 points. 8 points pour l'Allemagne. Autriche, 3 points. 3 points pour l'Autriche. Belgique, 2 points. 2 points pour la Belgique. Bulgarie, 12 points. 12 points pour la Bulgarie. Espagne, 9 points. 9 points pour l'Espagne. Irlande, 10 points. 10 points pour l'Irlande. Italie, 7 points. 7 points pour l'Italie. Luxembourg, 1 point. 1 point pour le Luxembourg. Pays-Bas, 4 points. 4 points pour les Pays-Bas. Royaume-Uni, 5 points. 5 points pour le Royaume-Uni. Portugal, 6 points. 6 points pour le Portugal. Slovénie, 11 points. 11 points pour la Slovénie. Merci Paris, merci Francine. Merci Gérard.